qu'elle vous faisait encore, vos grand-mères, comme ah, plat la sauce de morue. La sauce de morue au poireau, ouais. Ça c'est bon. Ouais, bon. Les poireaux, la yoni, c'est bon. Comment on faisait l'adobe. Alors là, il y a plein de choses plus intéressantes. C'est à l'adobe. La sauce de morue, ça doit être bon, la sauce de morue. Les morues, vous prenez des poireaux un peu gros, bien blancs, un peu gros, divers. Et vous les coupez en pas trop gros morceaux, un petit morceau. Mais pas haché. Plus haché, plus petit que la soupe de légumes. Oui, oui, d'accord. Vous les faites roussir, toujours dans de l'huile d'olive avec du laurier. Pas de l'ail. Laurier. Pas d'ail dans les poireaux. Hein. Vous ne mettez pas d'ail. Mmh. Et puis d'autre part, alors vous faites blanchir votre morue à peine. Mmh. Vous la triez, bien entendu. Mmh. Vous les miettez. Ouais. Pas haché toujours. Oui, oui. Des morceaux restants entiers, des morceaux gros. Vous feuillez. Alors, quand vos poireaux sont roussis dans l'huile d'un côté, dans votre compote, vous saupoudrez ça de... Vous mettez votre morue dedans. Vous lui donnez une tour dans la... Faites un peu sécher. Et puis, vous saupoudrez d'un peu de farine, pas beaucoup. Et vous mouillez avec le bouillante de la morue. Le goût de la morue, quoi. Ouais. Et vous délayez un peu. Faites pas une béchamel, surtout, pas bon. Il n'y a pas beaucoup de farine, c'est juste un petit peu, pour lier le tout. Ouais, que ça fasse pas. Et vous mettez bien du poivre et des olives noires. Et on mange que c'est d'un coup. C'est un poêle. C'est un poêle. Mais il faut que ce soit un peu fondu. Oui, c'est-à-dire que les poireaux soient un peu effrités, la morue un peu effilée. Oui, ma mère, elle le fait. Et pas beaucoup de farine. Et guère, juste pour lier, que votre sauce ne soit pas liquide et qu'on ne trie pas l'huile sur la masse. Et dedans, il met une petite tomate. Pas grosse. Ah non, il ne met pas de tomate. Mais c'est bon. C'est vert. La couleur est verte. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que le blanc des poireaux. Oui, il faut qu'il y ait aussi le vert. Il faut qu'il y ait une partie du vert qui reste un peu dure. Elle reste mieux un morceau que le devant. C'est-à-dire que voilà, le plat tient le milieu entre le morceau et la crème onctueuse. Alors, le blanc des poireaux devient onctueux, se fond, et le peu de vert que vous mettez se lie avec les morceaux de morue. Ah, d'accord. C'est une crème presque, mais il y a les morceaux dedans. Ah, on se régale.